un navire de l'amour a déjà fini son tour. Et si le sang retourne au bord, c'est pour pouvoir t'aimer encore. Je t'aime et puis...